بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة في شرح كتاب الصلاة on continue l'explication du livre du chapitre de la prière باب الجنائز le sous-chapitre concernant الجنائز concernant notre sujet le hadith le septième hadith, toujours encore une fois selon Ummi Atiyah, Al-Ansariya radiallahu anha qui dit « Nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'azam alayna » Elle dit radiallahu anha « Il nous a été interdit de suivre les janaiz » Il nous a été interdit de suivre al-janaiz, donc c'est-à-dire le mort qui est amené pour son enterrement. Il nous a été interdit de suivre les janaïs. Mais cependant, lam yu'azam alayna, c'est-à-dire que l'interdiction n'a pas été formelle. Ce qui est voulu ici, c'est que c'était détestable. On ne nous a pas interdit formellement de le faire. Wa qawluha nuhina, lorsqu'elle nous dit nuhina, il nous a été interdit, dhakarat al-ulama, أن قول الصحابي نهينا أو أمرنا المراد به نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les savants nous disent lorsque un des compagnons il dit il nous a été interdit ou alors on nous a ordonné de faire. Ce qui est voulu par là c'est que c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui a interdit ou qui a ordonné. De faire. C'est ça qui est voulu lorsqu'il y a plusieurs hadiths où vous trouvez parfois des compagnons qui parlent comme ça. Ce qu'ils veulent ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit ou il nous a ordonné. وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ كَرَهِيَةُ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ لِلنِّسَاءِ On donc tire de ce hadith le fait qu'il est détestable pour la femme de suivre les janaïs. Détestable, ça veut dire... Makruh. Dans la législation, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui est détestable? Est-ce que ça veut dire qu'elle prend un péché? Si elle le fait? Non. Ça veut dire quoi détestable? Voilà. Et donc, si elle le délaisse, lillahi ta'ala, pour Allah, elle est récompensée. Mais si elle le fait, elle ne prend pas de péché. Voilà ce qui est voulu par le fait que c'est détestable. On y arrive. Et donc, ce hadith, on tire de ce hadith le fait qu'il est détestable. Ok ? وَهَذَا هُوَ قَالَ الشَّفِعِيَ وَالْأَحْنَفِ Cet avis, c'est l'avis de l'école Shafi'ite et de l'école... j'ai dit l'Ahnaf, c'est l'Hanabila, excusez-moi. L'avis de l'école Shafi'ite et l'avis de l'école Hanbalit. Ensuite, Zahaba Abu Hanifa il a tahrim. Abu Hanifa, lui, il voit qu'il est interdit. Il est interdit aux femmes de visiter ou de suivre les Janaïs. Wa daliluhu ma akhrajahu Abu Daoud. في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة. La preuve de Abu Hanifa, رحمه الله, c'est le hadith qui est cité dans Sunan Abi Daoud, qui stipule que le prophète صلى الله عليه وسلم il a vu Fatima. Alors il lui a demandé ما الذي أخرجك من بيتك? Quelle est la raison pour laquelle tu es sorti de chez toi? Il a demandé à sa fille, donc quelle est la raison pour laquelle tu es sorti de chez toi? قالت ذهبت إلى أهل هذا الميت لأترحم لهم على ميتهم. Elle dit donc je suis allée voir la famille de tel mort afin d'invoquer pour eux pour leur mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit وهل بلغت إلى الكودا هل بلغت معهم إلى الكودا Est-ce que tu es allé avec eux jusqu'au cimetière? Est-ce que tu es allé avec eux jusqu'au cimetière? Elle a dit là, elle a dit non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit لَوْ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةِ Si tu étais avec, si tu étais allé avec eux jusqu'au cimetière, tu n'aurais pas vu le paradis. Tu n'aurais pas vu le paradis. وهذا الحديث ضعفه جمع من العلماء. Ce hadith il a été jugé faible par plusieurs parmi les ulama. لأن في إسناده ربيعة بن يوسف ابن يوسف. Il y a dans la chaîne de transmission un rapporteur qui s'appelle ربيعة ابن يوسف. وقال عنه العلماء ومنهم البخاري له مناكير. Les savants ils ont dit de lui, et parmi les savants qui ont dit cela, il y a l'imam al-Bukhari qui dit que cet homme, il a des narrations qui s'opposent aux narrations qui sont authentiques. Il a des narrations qui s'opposent à celles qui sont authentiques. وقد ضعفه ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله. Et donc l'imam al-Albani l'a jugé ce hadith faible. Et donc là on a deux avis. On a le premier avis qu'on a cité de Shafi'i et de l'école Hanbalite, que c'est détestable. Le deuxième avis, que donc c'est interdit. Le troisième avis, wa huwa qawl ibn Hazm, qala bil ibahati mutlaqan. Ibn Hazm, lui, il dit qu'il est totalement permis à la femme de suivre la janaza. Et qu'est-ce que Ibn Hazm il dit concernant le hadith de Umm Atiyah qu'on voit aujourd'hui? قال في هذا الحديث نحن لا ندري من الذي نهى أم عطية عن اتباع الجنائز. Il dit on ne sait pas qui a interdit Umm Atiyah de suivre les janaïs. Elle nous a pas dit clairement, on ne sait pas qui. Et certes on a cité précédemment que c'est connu chez Ahl al-Hadith, chez les gens du Hadith, dans, comme vous pouvez le voir dans les livres de Mustalah, que lorsque le compagnon il dit Nuhina ou alors Umirna, on nous a interdit ou on nous a ordonné, ce qui est voulu par là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Ibn Hajar rahimahullah, il a cité d'autres narrations de ce hadith où Umm Atiyah elle dit clairement Nahana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit. Et donc, cette parole de Ibn Hazm, cette argumentation n'est pas acceptable. وَقَوْلٌ أَخَرٌ نُسِبَ إِلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ. Il y a un autre avis qui a été attribué à l'imam Malik rahimahullah. وَهُوَ الْجَوَازِ إِلَّا لِشَّبَّاتِ. L'imam Malik, donc l'avis qui lui a été attribué, c'est qu'il est permis donc aux femmes de suivre les janaïs, sauf pour celles qui sont jeunes. Celles qui sont jeunes, et donc pour préserver les hommes des fitan. Pour préserver les hommes des fitan, subhanallah. Même dans une mes'ala fiqhiyya, on est dans un sujet de jurisprudence. Sujet, la prière mortuaire, le fait de suivre la janaïs, etc., etc. On a les a'imma, on a les ulema qui pensent à la fitna, le fait de se préserver de la fitna des femmes. Hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il n'a pas laissé une fitna plus dure aux hommes que celle des femmes. Hein? Et aujourd'hui, on est là, on est négligent, etc., etc. Et donc, les frères, il faut qu'on fasse très attention, barakallahu fikoum. Il faut qu'on fasse très attention parce que lorsque l'être humain est touché par une maladie, c'est dur de s'en défaire par la suite. C'est difficile. وَالْرَاجِحُ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمْ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةِ. Et la vie le plus juste dans tout cela, Inch'Allah, et Allah est plus savant, c'est ce qui a été cité dans le hadith de Ummi Atiyah. C'est-à-dire que c'est détestable. C'est détestable, Ummi Atiyah ici, qui nous montre clairement que cela a été interdit aux femmes, mais que l'interdiction n'était pas formelle. Et donc, ce qui est voulu ici, c'est que c'est détestable. Et ça, c'est la vie le plus juste ici, Inch'Allah ta'ala. Et donc ça, c'est un sujet. Le fait de suivre Al-Janaiz. وَمَسْأَلَةٌ أُخْرَى شَبِيهَ بِهَذِهِ. Il y a un autre sujet qui est proche de celui-ci. زِيَارَةُ الْكُبُورِ. وَقَدْ حَثَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زِيَارَةِ الْكُبُورِ. Le prophète, صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, a incité de visiter les tombes. فَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ إِنَّ زِيَارَةَ الْكُبُورِ مُسْتَحَبٌّ لِلرِّجَالِ. Le fait de visiter les tombes, les savants disent que cela est recommandé aux hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ela kuntu anhaakum an ziyarati al-kubur ela fazuruha fa innaha tudhakkiru al-maut. Et donc avant je vous interdisais de visiter les tombes, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais visitez-les maintenant car celle-ci elle rappelle la mort. Walakin al-ulama ikhtalafu fi haqq an-nisa. Les savants ils ont divergé concernant la femme. Est-ce qu'elle peut visiter le cimetière ou pas ? فإنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور. Il a été rapporté du prophète صلى الله عليه وسلم qu'il a dit Allah a maudit les femmes qui visitent beaucoup les cimetières. زوارات, c'est pas comme زائرات. Cheikh Al-Albani رحمه الله il a jugé la narration زائرات, les femmes qui visitent, il a jugé cette narration faible. Par contre, la narration Zawarat, les femmes qui visitent beaucoup les cimetières, là, il a jugé cette narration authentique, ou Hasana, donc acceptable. Lakin, min al-ulama, man kala inna hadha al-hadith mansukh. Il y a parmi les savants, certains qui disent que ce hadith, il est mansukh, il a été abrogé. Allah a maudit celles qui visitent beaucoup les tombes. Ce hadith a été abrogé. Et d'autres savants qui nous disent là, al muradu bi hadha al hadith an-nisa allati yukthirna ziyarat al qubur ziyaratan mubtada'a. D'autres savants nous disent ce qui est voulu par là, ce sont les femmes qui vont beaucoup visiter les cimetières en faisant une visite qui est innovée. Celles qui vont donc faire des innovations, celles qui vont faire même des shirkiyat, donc du polythéisme, etc., etc. Là, c'est ça qui est maudit ici. Ils disent, ce ne sont pas celles qui vont visiter les tombes. Pourquoi ? لِأَنَّهُ جَاءَتْ أَحَدِيثْ تَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَ. Parce qu'il y a des ahadiths qui montrent que cela est permis. Il y a des ahadiths qui montrent que cela est permis pour la femme de visiter les cimetières. فمن هذه النصوص من دنا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر. Parmi les hadiths qui montrent qu'il est permis à la femme de visiter un cimetière, il y a le hadith qu'a cité le Bukhari et Muslim dans leur recueil selon Anas qui nous dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il est passé donc à côté d'une femme qui pleurait sur une tombe. Une femme qui pleurait sur une tombe. Il lui a dit « Ittaqillaha wasbiri ». Il lui a dit « Crains Allah et endure. Crains Allah et endure. » Alors elle a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Ilayka anni fa innaka lam tusab bi musibati ». Elle a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant « Éloigne-toi de moi. » Car tu n'as pas été touché par ce qui m'a touché. Tu n'as pas été touché par ce qui m'a atteint. Tu ne connais pas le mal qui m'a touché. Faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette femme, elle ne l'a pas reconnu. Ma'arafathu, elle n'a pas reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on lui a dit que c'est lui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'atat ila babihi. Alors elle est allée à la porte du prophète après cela, elle s'est dirigée donc vers chez lui. فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ. Elle n'a pas trouvé de gardien, elle n'a pas trouvé de portier, de personne qui surveille. C'est quand même le chef d'État, c'est quand même lui qui commande. Et il n'y a personne qui est là pour le surveiller, pour le protéger. Pourquoi ? C'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Humble, Allah Azza wa Jal le protège. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. Et donc, elle n'a pas trouvé de بَوَّابِينَ. Elle est allée à lui, elle lui a dit « Ya Rasulallah, ma araftuk. » Ô messager d'Allah, je n'ai pas su que c'était toi. Je n'ai pas su que c'était toi, ô messager d'Allah. Alors il lui a dit « Innama sabru inda sadmatil oula. » Il lui a dit « Certes, l'endurance est au premier choc. » C'est lorsque tu as le premier choc, la musiba t'arrive, tu es touché par un mal, c'est là tout de suite, c'est là qu'il faut endurer. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فقالت العلماء النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها عدم الصبر وأنكر عليها البكاء ولم ينكر عليها بقاءها في المقبرة. Les savants disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a reproché le fait qu'elle a pleuré, le fait qu'elle n'a pas été endurante, mais il ne lui a pas reproché le fait qu'elle était dans le cimetière. Il ne lui a pas reproché. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة دعاء زيارة القبور. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné à Aïcha l'invocation pour visiter les tombes, comme dans Sahih Muslim. Il dit à Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المتقدمين والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. Alors lui a dit, dis. Et ensuite il a cité l'invocation sallallahu alayhi wa sallam. فذهبت عائشة رضي الله عنها وزارت قبر أخيها عبد الرحمن. Et donc Aïcha, radiallahu anha, elle a visité la tombe de son frère Abdurrahman. Elle l'a visité. فلو كان الأمر منهيا ما كانت عائشة رضي الله عنها تفعله. Et donc si cela était interdit, Aïcha radiallahu anha ne l'aurait pas fait. بل وقال بعض العلماء قال بعض العلماء عفوا excusez-moi إذن الصحيح من ذلك أن المرأة لا تنهى عن زيارة القبور إلا إذا كان في وجودها محظور. Et donc ce qui est le plus juste inshallah ta'ala en rassemblant les textes, c'est que la femme, il n'est pas interdit qu'elle visite le cimetière, il n'est pas interdit, sauf s'il y a dans sa présence une interdiction, le fait qu'elle va pleurer, le fait qu'elle va crier, se déchirer les vêtements ou autre, à ce moment-là, nan, c'est interdit, tu n'y vas pas. Par contre, s'il n'y a pas cela, il n'y a pas d'interdiction. Bel qal ba'du al-ulama innahu yustahab lil mar'ati ziyarat al-qubur kama yustahab lil rijal. Ils disent que certains savants nous disent même qu'il est recommandé à la femme de visiter les cimetières de la même façon qu'il est recommandé à l'homme. Pourquoi ? Car la femme aussi a besoin d'avoir un rappel concernant la mort. Elle aussi, elle a besoin de ce rappel. La femme aussi. وَقَالُوا قَوْلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كنت أنهاكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالموت هذا قول عام يفيد النسخ للرجال والنساء. Et donc ils nous disent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes je vous interdisais de visiter les cimetières, mais maintenant visitez-les car ceci rappelle la mort. Ils disent cette parole, elle est générale et elle montre le caractère, donc l'abrogation de l'interdiction, cette parole montre l'abrogation de l'interdiction pour les hommes et les femmes. Pour les hommes et les femmes. Et donc on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on continue toujours sur ce même chapitre, bi'idhnillah, la semaine prochaine. Wa faqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.